s'élance dans les rues de la ville. Mes yeux se balancent de haut en bas dans un tango ou une salsa. Elles sont superbes les fesses des filles dans leurs jupettes ou leurs futales. En maillot de bain ou bien en string, quand elles se rhabillent, ça m'est fatal. J'aime bien toucher les fesses des filles, les caresser de mes 10 doigts, et pincer les fesses des coquines quand elles chahutent autour de moi. Sous le soleil de toutes les plages, toutes recouvertes d'huile qui brille, allez regarder, tu deviens barge. J'aime beaucoup moins les fesses des filles sur internet, c'est trop salace. Je vais pas mentir, oui ça m'arrive de temps en temps, j'aime bien les garces. Pas que je parle trop des fesses des filles, parce qu'il y en a une qui va gueuler. Et si je pars des fois en vrille, c'est bien les siennes, mes préférées. C'est vraiment dur de résister. Pour nous les mecs c'est pas facile, rien qu'une vie pour les regarder et les toucher. Facile.